Reviens-moi de la rive, de Sarah Jacquet. Nous roulions, Samuel et moi, en vélo dans les rues du 10e arrondissement de Paris. Nous étions ensemble depuis 5 ans. C'était pas toujours simple entre nous. Nous nous disputions souvent. Mais une chose était sûre, nous nous aimions. Luke ! Quoi ? Enlève tes écouteurs, ça fait 5 minutes que je t'appelle. On a pris le boulevard dans le mauvais sens. Oh, excuse-moi, je révisais mon italien pour les vacances. Pourquoi t'as décidé qu'on allait en Italie ? Tu décides toute seule maintenant ? Non, mais c'est pas ça, mais... Comme t'avais adoré Naples, j'ai pensé que... Que peut-être... Que quoi ? Ben, qu'on pouvait y retourner. On était tellement heureux là-bas. On l'est plus. Mais si, si, on est heureux, c'est pas ça. Tiens, passons par la petite rue, là. On va récupérer le boulevard plus loin. Et on pourrait aller en ferry jusqu'à Stromboli cette fois. Et retourner au musée, là, tu sais, où il y avait les Caravales et les Titiens. C'était quoi, déjà ? Le musée de Capodimonte. Ah oui, le musée de Capodimonte. Allô ? Oui, c'est moi. Non, non, c'est bon, je vous en prie. Ah bon ? Et depuis quand ? Mais je croyais que... On allait signer la semaine prochaine. Oui, je comprends, mais... On peut rien faire ? Je vois. Bah oui, je suis déçu. Évidemment que je suis déçu. Oui, on en reparle. Oui, bon, bah au revoir. Ça va ? Qui c'était ? C'était Vernier, la bio de Revel vient de me passer sous le nez. Non, c'est pas vrai, mais pourquoi ? Parce que Vernier a décidé de la faire écrire par quelqu'un d'autre. Mais par qui ? J'en sais rien et je m'en fous. T'avais pas signé de contrat ? Non, non, tu sais bien ce que c'est. On signe rien tant que tout n'est pas absolument sûr. Écoute, tu ferais mieux d'écrire une biographie de Confucius plutôt que de raconter la vie de politicien véreux, non ? Je t'interdis de juger mon travail. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je comptais sur cette commande. Sur cette rentrée d'argent. Je sais bien. Bon alors, tu veux partir où pour les vacances ? Mais je sais pas encore. Pourquoi il faut tout décider à l'avance ? Parce que c'est dans 10 jours. J'aime pas que tu décides toute seule. Mais bah, dernièrement, tu m'as reproché de rien décider par moi-même, alors faudrait savoir ce que tu veux. De toute façon, avec ce contrat qui vient de tomber à l'eau, je sais même pas si on va pouvoir partir. Alors Stromboli, ma petite, faut oublier. Arrête, ne sois pas comme ça, Samuel. On va s'en sortir. On s'en sort toujours tant qu'on est tous les deux. Embrasse-moi. Mmh. Oh. Wow. Ça va ? Quand tu m'as touché, j'ai senti une décharge. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Mmh. C'est pas le moment pour toi. Vite! Valentine, tu vas trop vite, j'arrive pas à te suivre! Samuel! Samuel! Samuel! Samuel! Samuel! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Samuel! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je me suis déshabillée et me suis glissée dans notre lit, dans notre chambre. Je planais, loin, loin de la réalité. Je ne sentais plus rien. J'étais comme paralysée, aveugle, sourde. Je me suis endormie presque immédiatement. Oh, no. Vous êtes en attente. Bonjour l'ami. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que je fais là? Tu es au séjour des morts. Pardon? Tu es mort. Écoutez, ce n'est pas très gentil. J'étais avec ma compagne à vélo et... Et une voiture t'a percuté. De plein fouet. Quoi? Tu es mort sur le coup. Oh non. Et pour Nook? Elle est morte elle aussi? Elle est là? Nook, tu dis? Jamais entendu ce prénom. Attends une seconde. Non, je n'ai pas de Nook dans mes fichiers. Si elle était ici, je le verrais. Merci, merci. Bon, pour ton inscription, j'ai besoin de confirmer ton prénom, ton nom et ton âge, s'il te plaît. Samuel Jara. 32 ans. Hein? Et ta profession? Écrivain. Enfin, un biographe. Enfin... biographe raté. Bon, écrivain, biographe. Je note. Vous êtes... Attends, pardon. L'ordinateur ne me donne pas accès à ton dossier. Bizarre. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Attends une seconde, je dois passer un coup de fil. Oui, ça dit qu'il est en attente. Oui, très inhabituel. Tu as une idée de la procédure à suivre? Ah, d'accord. Très bien. Samuel Gérard, la directrice des ressources humaines va te recevoir dans quelques minutes. On t'appellera au haut-parleur, bureau 8C12. Voici un plan. Le bureau est entouré en rouge. Le lendemain, je suis retournée travailler à la librairie. Je me suis concentrée sur des tâches simples. Mettre en ordre les rayons, glisser des antivols entre les pages, ranger les cartons. En sortant, j'ai décidé de passer voir Geneviève, la mère de Samuel. J'ai emprunté la rue des Cascades pour passer devant le petit café de la place où nous aimions aller tous les deux. En m'arrêtant devant, j'ai senti un léger grésillement vibrer sous mes tempes, dans ma tête, comme si mon cerveau cherchait à capter quelque chose, à se connecter. Geneviève ? Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, Nook. Vous avez perdu vos clés ? Non, non. J'ai simplement transporté quelques petites choses ici, mon fauteuil, ma table basse. Mais votre lit ? Vous dormez là, sur le palier ? Et les voisins? Tu sais, on est au dernier étage, personne ne monte jamais jusque là. Oh, je sais. Il a grandi ici, tu comprends? Trop de souvenirs, de petites choses, je peux pas rester à l'intérieur, c'est... Oh, c'est insupportable. Assieds-toi. Je ne sais pas si je vais retourner travailler. Je n'arrive à rien faire. Même les choses simples sont difficiles. Me lever, manger, me coucher. Ouais. Il y a des pays où on peut se couvrir de cendres. On a le droit de hurler, de crier. C'est accepté. Ici, rien. Il faut être silencieux et digne. Tandis que tout se désagrège lentement à l'intérieur. Geneviève, je suis tellement désolée. Je suis tombée sur un texte hier qui m'a fait penser à Samuel. Je te le lis. Mais oui, bien sûr. La mort n'est rien. Je suis simplement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi, comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte. Sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. C'est beau. C'est très très beau. C'est de Peggy. Il l'adorait. Geneviève, je dois y aller maintenant, mais je reviendrai très très vite. Je vous le promets. Merci d'être passée. Laisse-moi t'embrasser. Oh, pardon. C'est l'électricité statique. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Samuel. Merci de laisser un message. À bientôt. Oui, Samuel, c'est moi. Je viens de chez ta mère qui campe sur son palier pour pas trop penser à toi. Alors reviens, arrête de déconner. On a encore plein de choses à vivre. On a eu le temps de rien. On a été paresseux. Reviens, je t'en prie. Ce sera différent, je te promets. Je fais tout comme il faut. J'écris tous les jours dans mon journal de deuil. Je parle, je communique. Je partage ma peine avec mes rares amies, encore présentes. Je soutiens mon mari du mieux que je peux. Je me suis inventé des rituels et des commémorations. Bienvenue, Nook. Bonjour, excusez-moi de débarquer comme ça. Non, on a commencé il y a un moment, mais ça fait rien. Installez-vous. Il y a une place libre à côté de moi. Venez. Merci. Bonjour. Bonjour. Reprenez, Myriam. Oui. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Je rêve que mon fils n'est pas mort, que je me suis trompée. J'entends du bruit dans le salon, je vais voir. Pablo est là, devant la télé, à rigoler devant sa série préférée. Il porte la tenue de faute qu'il avait la dernière fois que je l'ai vu. Puis je me réveille le matin, full de joie, soulagée de m'être trompée. Et il n'y a personne dans le salon. Et ça fait 8 ans. Courage, Myriam. Vous souriez, Romain. Vous rêvez aussi de Madeleine en ce moment? Pas en ce moment, tout le temps. Et je rêve surtout de la rejoindre. Mais comment, vous n'avez pas changé d'avis? Non, pourquoi? Eh bien, vous prenez votre vie en main, vous travaillez, vous avez une vie sociale, vous venez ici. Vous ne ratez jamais une séance? Plus pour longtemps. Enfin, voyons, vous êtes si jeune et en bonne santé, vous avez toute la vie devant vous. Si jeune. C'est-à-dire rien comprendre. Ça veut rien dire, ça sert à rien d'être jeune quand on est malheureux. Vous aussi, vous avez perdu un de vos proches? Oui, Samuel, mon compagnon. Et comment vous sentez-vous? Je sais pas, je le cherche. J'attends qu'il rentre à la maison. Là, j'ai l'impression qu'il est parti en voyage. Je sens encore sa présence dans l'appartement. Vous avez pensé à vivre ailleurs quelque temps? Si Samuel revient et que j'habite ailleurs, qu'est-ce qu'il va penser? Bon, je suis désolée, c'est l'heure, on va devoir s'arrêter. Romain, Promettez-moi de réfléchir. Prenez le temps de regarder le chemin parcouru ici avec nous. Si ça peut vous faire plaisir, je vous le promets. N'oubliez pas de ranger vos chaises en partant, merci. Demander quelque chose? Ouais. Ça fait longtemps que tu vas à ce groupe de parole? Depuis la mort de Madeleine. Et quand est-elle morte? Ça fera un an dans deux jours. Et toi, enfin, ce que t'as dit là-haut, c'est que tu... Je m'étais donné un an pour aller mieux. Alors ça va pas mieux? Non. Il me reste deux jours, hein, on peut toujours rêver. Je vais par là, et toi? Ouais, moi aussi. Samuel et moi, on était très connectés. Je devinais quand il allait rentrer à la maison, je sentais quand il pensait à moi, je sentais quand il allait mal. Et là, j'ai plus rien. Pourquoi ça pourrait pas continuer après sa mort? Ouais, je comprends, ouais. Je sais pas. Il est parti trop brutalement, il y a quelque chose qui va pas. Je voudrais pouvoir lui parler. Vous faites pas ça dans votre groupe? Parler avec les morts? Non, nous, ce qu'on apprend, c'est plutôt à pas parler avec les morts. Ah, mais je suis plutôt mal partie, alors. Non, pas spécialement. Tu sais, ils se ressemblent tous, les endeuillés. On fait les mêmes cauchemars, on a l'impression de devenir fou. On attend des signes, et puis on se reprend petit à petit. Mais toi, non. Non, pas moi. Moi, j'ai pas envie d'aller mieux. J'ai pas envie d'oublier. Moi non plus, moi non plus. Je sens qu'elle est là, elle est là, elle est autour de moi. Je la sens. Moi aussi. Toi aussi. Enfin, je veux dire, je sens que Samuel est là. Ah ouais. J'ai tout essayé pour rentrer en contact avec Madeleine. L'écriture automatique, l'hypnose, la TCI. La TCI? La transcommunication instrumentale. C'est une technique de communication avec les ondes électriques. Les ondes électriques? Ouais, non, c'est un peu spécial, il faut être dedans, quoi. Mais tu crois que tu pourrais me montrer? Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais tu t'emballes pas, hein. Je suis fort en théorie parce que j'ai lu des bouquins, mais en fait, ça n'a jamais très bien marché. Si j'ai bien compris tes projets d'avenir, il faut qu'on fasse ça vite, non? Ouais, vaut mieux, ouais. Et pourquoi pas tout de suite? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excuse le foutoir. Non, c'est pas grave. C'est fou tous ces appareils. Tu trouves encore une place pour dormir au milieu de tout ça? Tu veux boire quelque chose? Une bière? Ouais, s'il te plaît. Toutes ces machines, c'est pour communiquer avec les morts? C'est ça. On dirait qu'en te rencontrant, je suis tombée sur la bonne personne. Peut-être. J'ai plus de verre propre, une canette, ça ira? Ouais, ouais, très bien. À Samuel? À Madeleine. À Mado. Je l'appelle Mado. À Mado, alors. Et ça, c'est une antenne parabolique? Ouais, c'est pour attirer le maximum d'ondes, créer les conditions de la connexion. Je vais te montrer. Et ces trucs, ils servent à quoi? Ça, ce sont des potentiomètres. C'est pour régler l'intensité des champs magnétiques. Des interférences, si tu veux. Qui ouvrent des couloirs où se faufilent des énergies qu'on n'a pas l'habitude de capter. Ah, c'est prêt. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai pas obtenu beaucoup de résultats. Mais j'ai eu l'impression, quelquefois, de capter une présence. Tu vas pas t'imaginer que ça... Non, depuis que je suis toute petite... J'ai un truc avec les appareils électriques. J'arrive à les faire fonctionner, tu vois. Ils m'obéissent, quoi. Mmh. Ben, on va voir ça. Alors, tu vas penser très fort à Samuel. Mm-hmm. Est-ce que tu as une photo ? Ou un objet à lui ? Ça peut aider. Alors. Alors, j'ai une photo de lui, mais il est tout nu. Ça va, c'est pas... C'est bien. Alors, installe-toi. Assise ou debout, comme tu veux. Ok. Tu te concentres. Tu fais le vide. Et tu visualises Samuel le plus précisément possible. Et puis tu l'appelles. Samuel, c'est moi. C'est moi, Nook. Je suis là. Comme ça, je fais quoi? Non, t'es pas concentré là. Tu t'occupes pas de moi. Okay. Samuel, c'est Nook. Où es-tu? Est-ce que tu m'entends? Oh, non, je suis ridicule. Non, non, non. Attends. Attends, je mets le pied nu. Comme tu veux. Samuel, je voudrais te voir. Avoir des nouvelles. Savoir comment tu vas. Savoir où tu es. S'il te plaît. Samuel, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est juste l'ampoule qui a sauté. Je dois en avoir une de rechange, mais je sais pas dans quel tiroir. Attends, attends, tais-toi. Bouge pas. J'ai senti quelque chose. Attends. Merde, c'est reparti. Mais tu sais, la connexion directe, c'est presque impossible. Non, non, non, mais moi, je sens que je peux y arriver. Attends, je recommence. Là, on était presque. Samuel. Je suis toujours là. Attention, tu marches sur la table. Je crois que ça marche mieux comme ça. C'est pas... Chut. Oh. Il est là, il est là. Oh. Il est là. Il est là. Tu le vois ? Je n'en pose pas. Samuel Jarre, tu es attendu à la direction des ressources humaines. Bureau de la DRH. Bonjour. Installe-toi. Je viens de prendre connaissance de ton dossier. Une erreur s'est produite pendant ton passage d'une rive à l'autre, mais du fait de cette erreur, tu es pour l'instant dans un entre-deux. C'est extrêmement rare, mais on a déjà vu ça ici. Un entre-deux ? Je suis pas mort, alors ? Si, si. Enfin, non. Techniquement, pas encore. Tu es chez les morts, mais sans être vraiment mort. Quoi ? D'ici très peu de temps, tu vas basculer complètement. Nous avons reporté ton nom sur le registre des morts, en urgence. Ton nom va être prononcé après-demain. Tu seras alors totalement intégré à notre monde. Tu seras bientôt des nôtres, tout va s'arranger. S'il y a une erreur, si je ne suis pas encore mort, je ne souhaite pas rester ici. Allons, allons. Je veux retourner chez les vivants, je veux retrouver ma compagne, retourner à ma vie. Malheureusement, ton dossier est en cours de traitement, je ne peux rien faire. Mais enfin, il y a sûrement moyen d'annuler la procédure. Vous pouvez bien faire quelque chose tant qu'il est encore temps. La date de ta mort a été programmée, il n'est pas possible de revenir là-dessus. Que faut-il que je fasse? Que je demande une dérogation? Que j'aille voir votre supérieur hiérarchique? Je te dis que c'est impossible. Le système est ainsi fait, c'est dans l'ordinateur, je regrette. Mais enfin, c'est qui le chef ici? C'est l'ordinateur ou c'est vous? Bon, maintenant, permets-moi de terminer cette conversation. Un 747 vient de se crasher, je suis débordée. Je rêve, dites-moi que je rêve. C'est comme ça ici, c'est ça. C'est l'enfer, hein, mais vous voulez pas me le dire. Samuel Jara, je vais être contrainte d'appeler la sécurité. Oui, eh bien je l'attends, votre équipe de sécurité. Qu'est-ce qui peut m'arriver encore à moi? Vous croyez que j'ai pas déjà tout perdu? Si c'est ainsi... Je vois personne. Où elle est, votre armée de tripodes, de spectres, de zombies? Dehors. Dehors. Je le dégage? Oui, merci. Allons, ne fais pas l'enfant. C'est bon. Je viens. Je viens. Alors, tu l'as vraiment vu? Je l'ai vu. J'ai vu Samuel chez les morts. Je suis entrée dans sa tête. J'ai vu ce qu'il voyait. J'ai ressenti ce qu'il sentait. C'est fou, ça. Et alors, le séjour des morts, ça ressemble à quoi? Et une grande halle très lumineuse, une place publique, et puis des couloirs, il y a des bureaux, il y a une enfilade de bureaux, des ordinateurs, des piles de dossiers. Des bureaux, c'est tout? Qu'est-ce que t'as Samuel dit? N'est pas mort. Samuel n'est pas mort. Samuel n'est pas mort, mais c'est pour bientôt. Je dois y retourner pour en savoir plus. Faut que j'y retourne tout de suite. Bureau des animations culturelles. Bonjour. Bonjour. Dites-moi ce qui est écrit sur ce grand tableau-là. Oui. Lecture par Marilyn Monroe de ses poèmes inédits. Exposé de Francisco de Goya sur l'ombre portée. Théorie de la relativité par Mileva Einstein. Oh, c'est... La femme d'Einstein. Initiation à l'escrime par Wolfgang Amadeus Mozart. Conférence sur les papillons par Vladimir Nabokov. Ce sont les vrais? Oui, bien sûr. Il y a du beau monde ici. Du beau comme du moins beau. Tu es nouveau, toi. Pourquoi vous me tutoyez? Tout le monde me tutoie depuis mon arrivée. On se tutoie ici. Mais moi, je vais pas rester. Ah! Une place est libérée pour le concert du Club des 27 demain soir. Le Club des 27? Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin. Robert Johnson, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse. Tous morts à 27 ans. Ah, il y a aussi un créneau dans une heure pour la chorégraphe Valeska Gert. C'est fou, parce que vous savez, on n'a que très peu d'images d'archives de Valeska Gert. Ici, on ne parle jamais d'images d'archives. Ah. C'est indélicat. Je t'inscris au concert? Reviens me voir tout à l'heure pour Goya. Merci. Si tu es désœuvré d'ici là, le cours de Qigong vient de commencer. Je te le conseille. De Qigong? Oui, tu verras. Ça détend. Ça enlève toutes les interférences. Les interférences? Les interférences, tu sais, les trucs là, les bzzz, les ondes que nous envoient les vivants quand ils pensent à nous. Zut! Envolé. Ça va? Ouais, ouais. Tu transpires. J'ai le cœur qui bat à toute allure. J'ai terriblement soif aussi. Mais ça marche et c'est le plus important. Qu'est-ce que tu fais? J'ai enregistré les moments où t'étais connecté, mais je vois rien à l'écran, c'est bizarre. S'il y a eu connexion directe, il devrait en rester des traces. Et là, la courbe qui remonte d'un coup, c'est quoi? Non, ça c'est seulement ta respiration. Ah. Alors qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qu'il fait, Samuel? Alors, Samuel est sur le point de prendre un cours de Qigong. Ah bah, quel aventurier. Non, s'il te plaît, te moque pas. Faut que j'y retourne tout de suite. Elle est épuisée. Repose-toi avant de replonger. Non, pas besoin. Puis mais qu'est-ce que je fous là, moi? Bonjour. Ni hao. Vous avez l'air de vous y connaître. Comme une vague. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yin jing. Jing hua. Jiang wo. Renforcer épurer, maîtriser le chi, le flux énergétique qui anime toute chose par le gong. C'est-à-dire la pratique, l'entraînement. Shunyan. Vous parlez chinois, n'est-ce pas? Et moi, comment est-ce possible? Je comprends le chinois. Pourtant, je ne l'ai jamais appris. Eh oui, c'est le privilège des morts. Tout le monde se comprend ici, quelle que soit sa langue maternelle. Cela nous fait tous gagner un temps précieux. Mais comment est-ce possible puisque je ne suis pas encore mort? Tiens. C'est vrai, pas encore. Enfin, pas vraiment. Je ne resterai peut-être pas longtemps ici. Dommage. Pardonne-moi, je suis curieux, mais quel est ton métier? Biographe. Ah, alors nous étions destinés à nous rencontrer. Ah oui? On a écrit tout et n'importe quoi sur moi. Et j'aimerais enfin raconter ma propre version, corriger quelques contre-vérités. Mais qui êtes-vous? Zong Nichio. Confucius? Chut! C'est ça, Confucius? Tu es un homme très cultivé. C'est incroyable, j'ai lu tous vos écrits. Quel honneur de vous rencontrer. Arrête, arrête. Pas de ça ici. Quand je me suis déconnectée, il était très tard. Je suis rentrée à la maison. J'étais heureuse. Inquiète, mais heureuse. Je n'étais plus seule. Samuel n'était pas encore mort. Le lendemain, je me connecterai à nouveau. À présent, je savais comment faire. Demain. Samuel, c'est moi. Où es-tu? Samuel? Samuel, je suis là. Je veux te voir. Connaître la suite. On dirait que le courant passe pas cette fois. Peut-être qu'il ne pense pas assez à toi en ce moment. Mais je sais pas, il y a un faux contact. Il y a un truc qui... Pourra réessayer plus tard. Tu as faim? Tu veux manger un morceau? J'ai pas parlé. Attends. Ça y est, ça vient. Et moi, je vais te regarder. C'est un très beau spectacle. Mais enfin, pourquoi regretter la vie, hein? Pourquoi souhaiter y retourner? Il me reste encore beaucoup de choses à vivre. Et j'aime Nook. Je sais pas comment elle va faire sans moi. On se disputait souvent tous les deux. On avait des hauts et des bas. On n'était pas parfaits. Mais on était tous les deux. On grandissait ensemble. Et elle me manque. Chimère, jeune homme. Chimère. Ce qu'il faut, c'est lâcher les possessions terrestres. Les désirs crispés. Ici, tu prendras ton temps. Tu ne seras pas talonné par les questions matérielles. Ton énergie ne sera pas engloutie dans le grand chaos des désirs et des émotions. Tu seras seul et libre. Songe à toutes les biographies que tu pourras écrire ici, sans parler de la mienne. Tu rencontreras Napoléon, Platon, Aristote, si tu attends ton tour. Ils sont tous là. Tu n'as pas envie de révéler qui de Platon ou Socrate a écrit les dialogues? Ou si la prêtresse Diotime a réellement existé? Diotime a existé? Je prends le thé avec elle une fois par mois. Elle est très active. Elle a ouvert une école alternative avec Louise Michel. C'est fantastique. Ça va, ça n'a pas l'air. Confucius est en train de convaincre Samuel de rester. Confucius, le philosophe ? Ah oui, il est mort lui aussi. Il doit aussi y avoir cette vicieuse alors. Non, mais pour Samuel, Confucius, c'est un modèle, c'est son héros. Ils projettent d'écrire un livre ensemble, c'est une catastrophe. Moi, j'ai peur que Samuel abdique, qu'il essaie même plus de se battre. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien. Moi, je suis rien. Je suis pas Diotime, je suis pas Louise Michel, je suis pas Olympe de Gouges. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mourir ? Luke ? Quoi ? Est-ce que je pourrais me brancher sur toi ? Comment ça, te brancher ? Pour contacter Madeleine. Je voudrais la voir. Savoir si elle est là, elle aussi. Tu peux m'aider ? Est-ce que je peux te toucher ? Que tu me touches ? Moi, j'aiderai Samuel une fois passé de l'autre côté. J'essaierai de le ramener à la raison. Tu ferais ça ? Oui. Alors, c'est d'accord. Qu'est-ce que je fais ? Lève-toi. Pose ta main sur mon épaule. Là ? Oui. Et maintenant, appelle. Bando ? Madeleine ? C'est peut-être pas une si bonne idée, finalement. Non, attends, on est peut-être un peu trop loin l'un de l'autre pour que le courant circule bien. Regarde, on va essayer une autre position. Ouais. Si tu veux. Voilà, si je me mets là, mon dos contre ton dos, comme ça. Ça va pour toi ? Oui, ça va. Non, attends, c'est pas encore ça. Je vais mettre là, tout contre toi. C'est mieux, non ? Oui, sans doute, oui. Pour moi, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant. Tu trembles ? Oui. C'est bon signe ? Oui. Appelle-la, elle est toute proche. Madeleine ? Tu la vois ? Madeleine ? Je pouvais le regarder, sans retenue. Madeleine, tu es là. Il avait perdu son air douloureux. Ses traits étaient détendus. Je devais lui ressembler quand j'entrais en connexion avec Samuel. Nous sommes restés longuement, étroitement collés, lui et moi. Puis, doucement, il est revenu. Je me suis détachée de lui, à regret. Elle est là, elle attend. T'es content ? Elle est là. Quoi ? Tu crois pas qu'il y a encore des choses à vivre ici ? Il y a qu'un an qu'elle est partie, c'est pas si long. Tu pourrais peut-être tomber amoureux une nouvelle fois. Ça arrive, hein ? Qu'est-ce que t'as ? T'as plus besoin que j'aie de Samuel ? Si. Elle me montre l'espoir. Allez, on sort fêter ma dernière nuit sur cette terre. J'ai envie de marcher avec toi une dernière fois. T'es là comme ça au milieu du carrefour. T'as pas peur qu'elle ait changé, Madeleine ? Que ce soit plus la même ? Que ce soit plus pareil entre vous là-bas. Non, on s'aime à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. À la mort. T'as pas peur de passer de l'autre côté ? Non, j'ai pas peur, j'ai plutôt hâte. Mais comment je vais faire sans toi ? Je parle à personne à part toi. J'ai éteint mon téléphone, ma messagerie est saturée. Mes proches sont en train de devenir fous. T'es mon seul ami depuis que Samuel est parti. Je sais. On vient à peine de se rencontrer et tu pars déjà? Je sais. Ça ira, tu iras. Où vas-tu aller, toi? Je vais marcher là-bas. Il y a une passerelle qui mène à l'île du Belvédère. Tu la vois? Le pont est assez haut. Je crois pas que je vais pouvoir t'accompagner jusque là-bas. Je te le demande pas. Et tu pars déjà? Oui. C'est l'heure. Romain a ouvert ses bras. On s'embrasse? On s'embrasse. Je l'ai serré, longtemps, très fort. À cet instant-là, j'aurais tout donné pour ne rien savoir de ce qu'il s'apprêtait à faire. Prends mes clés. Les machines et tout le bazar, c'est pour toi. T'en auras plus besoin que moi. Merci. Je trouverai Samuel. Je te le promets. Est-ce que je peux te regarder? Quand tu seras passé de l'autre côté, je veux dire, entrer en connexion avec toi, voir ce que tu vois. Ouais, ouais, tu peux. Un peu. Mais pas tout le temps, hein. Non, je te promets. Je te promets. On se reverra. Maintenant, on le sait. Au revoir, Romain. Au revoir. On se reverra. J'ai marché, encore, longtemps, seule, dans la nuit noire. J'ai peu dormi et rêvé de Romain, qui n'en finissait pas de tomber. Bienvenue! Dites-moi, je cherche ma fiancée Madeleine. Vous savez où je peux la trouver? Madeleine, ça ne veut rien dire. Comment veux-tu que je sache? Vous ne savez pas? C'est un peu léger. Je vous en supplie, dites-moi que je suis au bon endroit. Que Madeleine est là aussi. Quelle Madeleine? Madeleine Delvaux. Ah bah voilà! Bâtiment 32, 12e étage, chambre 208. Merci, chambre 208. Chambre 208. Romain est entré dans la chambre 208. Madeleine écoutait de la musique au casque, allongée sur un lit, battant la mesure de ses pieds nus. Romain s'est dirigé vers elle, très lentement, avant qu'elle ne lève les yeux sur lui. Elle a dit un seul mot. Enfin. Mado. Romain s'est allongé à côté d'elle. Mado. J'ai cessé de regarder au moment où leur bouche, où leur souffle, ou leurs mains. J'ai cessé de regarder. Comment tu vas faire pour le reconnaître? Nook m'a montré une photo! Attends-moi ici, je vais passer par là! This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend, the end of our love reflects the end of everything that stands. Je viens de la fin. Je suis un ami de maman. Et vous ne le reconnaissez pas? Jim Morrison, mais regardez. Écoutez, c'est magnifique. Il paraît qu'il va faire son rappel avec Janis Joplin. Je veux pas rater ça, c'est... Je viens de la part de Nook! Qu'est-ce que vous dites? Nook? C'est eux qui m'envoient! Quoi? Hey, t'as l'air très différent à cet événement! Répète-moi ce qu'a dit la directrice des ressources humaines. Elle a parlé d'un registre des morts. Elle a dit que mon nom serait prononcé. Ça se passera là-bas, c'est sûr. Je suis tombée dessus par hasard un jour en me trompant de porte. J'ai trouvé ça fascinant. J'y suis retournée tous les jours pendant des mois. Une vraie drogue. Mais enfin, de quoi tu parles ? Madeleine, tu nous emmènes où, là ? Vous allez voir. C'est là. Samuel ? Samuel ? Oh, c'est pas vrai, je devrais y arriver. Allez, je sais comment faire, je dois seulement me concentrer. Samuel ? Samuel, où es-tu ? Samuel, t'es où ? Je sens plus rien, là. Je vois plus rien. Réfléchis. Ok. Alors, j'ai peut-être épuisé mes réserves. Là, je devrais augmenter la dose de stimulation électrique. Voilà. J'ai besoin de plus d'énergie. Ah, des câbles. Parfait. C'est ça. Ouais, je passe ça autour du poignet. Ça autour de la main, des épaules, autour du temps. Ok. On prend tout entier dedans. Ça marche là. Ouais. Ça commence à rebondir. Paul Arneman. Alice Modolo. Madeleine a ouvert la petite porte qui donnait sur la salle des nains. Long Park. Un immense amphithéâtre, profond, Jennifer bordé McCarthy. De gradins. Au centre, un homme et une femme sans âge, vêtus de toges très strictes, se faisaient face. Zana Bazar Altankuyak. Qui c'est ces deux-là ? Les grands ordonnateurs. Les quoi ? Les grands ordonnateurs. Lui, c'est le donneur de mort. À chaque fois qu'il prononce un nom, la personne qui l'a nommé meurt dans l'instant. Elle, c'est la donneuse de vie. Elle fait naître des individus. Des bébés ? Ouais. Alors tout se décide ici. Cette scène se déroule de la même façon, chaque jour, chaque nuit. Un rituel immuable. C'est magnifique. C'est effroyable. Qui sont les gens en haut des gradins ? Des habitués. Je connais le vieil homme au Panama là-bas. Il vient tout le temps. Chaque jour, il espère que sa femme va le rejoindre. Il attend que son nom soit prononcé, mais chaque jour, il est déçu. Elle est en excellente santé. Tu sais, Romain, parfois, j'aurais tout donné pour ajouter ton nom sur ce registre. Si j'avais su comment y accéder. Et ça ne s'arrête jamais ? Non, ça ne s'arrête jamais. Dès qu'ils auront terminé ce registre, un assistant leur en apportera un nouveau. Tu es censé mourir quel jour, toi ? Demain. J'en ai assez vu. Sortons. Ces registres-là, ces plis de feuilles. Oui. Si je pouvais accéder aux listes des noms. Eh bien. Tu es sur la liste des personnes qui vont mourir demain. Oui, c'est vrai. On dirait que t'as pas envie qu'ils t'aident. C'est pas ça. Je me sens tellement fatigué et. Et ? Et ici, tout me paraît plus simple. J'ai commencé des entretiens avec Confucius pour un livre. Je n'ai jamais réalisé une œuvre de cette ampleur. Ce n'est possible qu'ici. Confucius, il est mort. Tôt ou tard, tu seras mort, toi aussi. Confucius, il bougera pas d'ici. Nook, elle se bat pour toi. Elle t'aime, elle t'attend. Elle a de l'espoir pour deux. Elle est vivante. Au moment où Romain a prononcé le mot « vivante », j'ai senti un choc électrique très violent. Puis un flot d'énergie s'est mis à irriguer chaque centimètre de mon corps, me parcourant, me réchauffant. J'ai transmis cette énergie toute neuve à Samuel. Il a porté la main à son cœur, étourdie à son tour par la décharge. Vivante ? Continue. Qu'est-ce que tu ferais ? Il faudrait... Attends. C'est bon. Il faudrait échanger les registres, mettre celui des morts à la place des vivants. Si tu fais ça, tu sauveras Samuel, mais tu feras mourir toutes les personnes qui devaient naître ce jour-là. Les bébés. Non, impossible, t'as raison. Mais il faut que la donneuse de vie lise la feuille sur laquelle figure mon nom. Et seulement cette feuille. Mado, tu crois que les grands ordonnateurs sont assez stupides pour ne pas voir qu'on a échangé cette feuille ? Ils n'ont pas l'air de beaucoup réfléchir. Essayons. C'est ma seule chance. Je vais t'aider. Qu'est-ce que c'est que toute cette paperasse ? Ce sont les registres. C'est très important. Les registres de quoi ? Des registres des grands ordinateurs. Quels grands ordinateurs ? Écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais t'aider. Non, non, non, tu touches rien. Tu touches rien. D'accord ? Tu n'as pas idée de l'importance. Pas la peine de s'énerver. Prends celle-là au moins. Elle vient de tomber. Tu es sûr ? Certaine, elle était sur le dessus. Sur le dessus de ce paquet-là, pas l'autre. Oui, celui-là. Celui-là. J'espère que tu ne fais pas erreur. Je sais pas comment tu t'y retrouves dans toutes ces feuilles. Elles sont même pas numérotées. Du vent, du vent. Allez. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, ce sont les registres. Ce sont les registres. Laissez-moi passer. J'ai vu Samuel, Romain et Madeleine prendre place dans les gradins de la salle des noms. Le donneur de mort et la donneuse de vie se faisaient face, solennel. L'assistant arrive. Il a l'air tendu. Il leur donne les registres. L'assistant a chuchoté quelque chose à l'oreille de la donneuse de vie. Celle-ci s'est étonnée. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Lisez, bon Dieu, lisez ! Parle-moi fort. Je suis à l'agonie. Pas encore, Samuel. Pas encore. Tandis que défilaient les noms lus par la donneuse de vie, j'ai commencé à entrer en connexion avec des individus qui seraient morts si les feuilles n'avaient pas été échangées. Florian Nguyen. Au moment où son nom a été prononcé, Kayla Dikeni, qui traversait un quartier meurtrier de Cape Town, en Afrique du Sud, manqua de justesse d'être assassinée. Elle passa une journée un peu suspendue et décida d'appeler sa fille, à qui elle n'avait pas parlé depuis plus de 10 ans. Lorsqu'a résonné son nom, Tania Malkavian était en pleine ascension des glaciers du sommet du mont Ararat en Turquie, sur le point de tomber la tête la première dans une crevasse. Au lieu de cela, elle retint son geste, écouta le bruit du vent et choisit de s'arrêter un instant pour se reposer. Au moment où il fut appelé, Ampon Kityapon venait de fermer les yeux après un long combat contre la maladie. Tandis que son épouse s'apprêtait à rabattre la couverture sur son corps sans vie, il se sentit tout à fait réveillé et demanda qu'on lui apporte une assiette de liseron d'eau frit, son plat préféré. Samuel Jarre. La donneuse de vie s'est interrompue un instant. Sa main a bougé, très lentement. Elle a levé les yeux sur le donneur de mort. Pendant un long moment, leurs regards se sont interrogés. Frances Kennedy. Victoire Sainte-Rose. Elle a passé mon nom. C'est terminé pour moi. Yang Yong. J'ai ressenti sa rage, son impuissance, son infinie tristesse. Les grands ordonnateurs ont continué leur macabre lecture. Imperturbable. Eduardo Mariani Cedron. Lisette Marimoutou. La donneuse de vie a hésité et a souri. Un sourire ironique, peut-être complice. Et elle a dit. Samuel Jarre. Samuel Jarre. Tu as réussi. Oui. Tu es vivant. Mais qu'est-ce que tu as ? Je suis très mal. Je sens plus ta main. Moi non plus. Tu es en train de nous quitter? Oui. Et ça fait un mal de chien. Adieu, mes amis. Bon retour, de l'autre côté. Dis à Anouk d'arrêter de marcher sur les câbles. Et embrasse-la de ma part. Je te cherchais aussi. Oui, bah c'est pas commode, hein. Mais où sont les vélos? Je sais pas. Ah, c'est pas pratique, hein. Oh, Samuel. Oui, bon. Pourquoi t'es si sentimentale tout à coup? Tu pleures? Allez, viens, on rentre. Je suis gelée. Oui, rentrons, Samuel Jara. Hein? Oui, je... Samuel Jara. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je... Samuel Jara. Oh, Anouk! Viens, Samuel. C'était Reviens-moi de la rive de Sarah Jacquet avec Élodie Hubert, Nook, Robinson Stevenin, Samuel, Vincent Schmitt, Romain, Odja Lorca, Madeleine, Françoise Lebrun, Geneviève, ainsi que Carole Franck, Guylaine Londez, Delphine Simon, Charlie Nelson, Jim Andy Limas, Valérie Moinet, Joanna Nizar, Bindan Gazolo, Gaël Ozerman, Gérard Boucaron, Laurent Lederer, Florent Shep, Florent Houlier. Et les voix de Yana Bitnerova, Michel Baladi, Sarah Perraim, Gunther Van Severen, Anne Carr, Giuseppe Foria, Juliana Neagou, Nicolas Yaroshenko, Marc-Henri Lamande, Alexandru Ionescu, Corneliu Dragomirescu, Issa Dacuyo, Pauline Bell, Vincent Dos Reis, Slimane Yefsa, Mathieu Sacucci. Bruitage, Patrick Martinache, Elodie Fiat. Équipe de réalisation, Pierre Mine, Éric Villenfin, Nicolas Depagraf, Laure-Hélène Planchet, Alexandre Planck, Pascal Deux.